Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. Sixième épisode. Si vous avez pu comprendre ce feuilleton, si vous avez prêté quelque attention à ces petites scènes de la vie conjugale, vous aurez peut-être remarqué leur couleur. Jusqu'ici, toutes ces misères sont des misères infligées uniquement par la femme à l'homme. Vous n'avez donc encore vu que le côté mâle du livre. Et si l'auteur a réellement l'ouïe qu'on lui suppose, il a déjà surpris plus d'une exclamation de femme furieuse. On ne nous parle que des misères souffertes par ces messieurs, comme si nous n'avions pas nos petites misères aussi. Ô femme, vous avez été entendue, car si vous n'êtes pas toujours comprise, vous vous faites toujours très bien entendre. Donc, il serait souverainement injuste de faire porter sur vous seul les reproches que tout être social mis sous le joug a le droit d'adresser à cette institution nécessaire, sacrée, utile, éminemment conservatrice, mais tant soit peu gênante et d'un portée difficile aux entournures, ou quelquefois trop facile aussi. Un homme, non écrivain, car il y a bien des hommes dans un écrivain, un auteur, donc, doit ressembler à Janus, voir en avant et en arrière, se faire rapporteur, découvrir toutes les faces d'une idée, passer alternativement dans l'âme d'Alceste et dans celle de Philinte, ne pas tout dire et néanmoins tout savoir, ne jamais ennuyer et... N'achevons pas ce programme. Autrement, nous dirions tout et ce serait effrayant pour tous ceux qui réfléchissent aux conditions de la littérature. Assez, donc. Voici maintenant le côté femelle du feuilleton. Car, pour ressembler parfaitement au mariage, celui-ci doit être plus ou moins androgyne. Les maris du second mois. Deux jeunes mariés, deux amis de pension, Caroline et Stéphanie, intimes au pensionnat de Mademoiselle Machefer, une des plus célèbres maisons d'éducation du Faubourg Saint-Honoré, se trouvaient au bal chez Madame de Fichetaminel et la conversation suivante eut lieu dans l'embrasure d'une croisée du boudoir. Tous ceux qui vont au bal connaissent cette phase des grandes soirées où tout le monde n'est pas arrivé, mais où les salons sont déjà pleins et qui causent un moment de terreur à la maîtresse de la maison. C'est, toute comparaison gardée, un instant semblable à celui qui décide de la victoire ou de la perte d'une bataille. Eh bien, Caroline. Eh bien, Stéphanie. Un double soupir. Tu ne te souviens plus de nos conventions? Si. Pourquoi donc n'es-tu pas venue me voir? On ne me laisse jamais seule. Nous avons à peine le temps de causer ici. Si mon Adolphe prenait ces manières-là. Tu nous as bien vus. Armand et moi, quand il me faisait ce qu'on nomme, je ne sais pourquoi, la cour. Oui, je l'admirais. Je te trouvais bien heureuse. Tu trouvais ton idéal, toi. Un bel homme, toujours si bien mis, aux petits soins. Va toujours. Enfin, un homme comme il faut. Son parler était d'une douceur féminine, pas la moindre brusquerie. Et des promesses de bonheur, de liberté. Il meublait ses paroles de châle et de dentelle. On entendait rouler dans les moindres mots des chevaux et des voitures. La corbeille était une magnificence millionnaire. Armand me faisait l'effet d'un mari de velours, d'une fourrure en plume d'oiseau dans laquelle tu allais t'envelopper. Caroline, mon mari est froid comme un marbre, compassé comme un vieillard, causeur comme une sentinelle. Et c'est un de ces hommes qui disent oui à tout, mais qui ne font rien que ce qu'ils veulent. Dis-lui non. C'est essayé. Bien. Eh bien, il m'a menacé de réduire ma pension de ce qui lui serait nécessaire pour se passer de moi. Pauvre Stéphanie, ce n'est pas un homme, c'est un monstre. Un monstre, calme et méthodique, à faute ou paix, et qui tous les soirs... Tous les soirs? Attendons. Qui tous les soirs prend un verre d'eau pour y mettre 7 fausses dents. Quel piège que ton mariage. Enfin, Armand est riche. Qui sait? Oh, mon Dieu. Mais tu me fais l'effet de devenir avant peu très malheureuse. Ou très heureuse. Et toi, ma petite? Moi? Jusqu'à présent, je n'ai qu'une épingle qui me pique dans mon corset. Mais c'est insupportable. Pauvre enfant, tu ne connais pas ton bonheur. Allons. Ici, la jeune femme parla si bien à l'oreille de l'autre qu'il fut impossible d'entendre un seul mot. La conversation recommença, ou plutôt finit, par une sorte de conclusion. Ton Adolphe est jaloux? De qui? Nous ne nous quittons pas. Et c'est là, ma chère, une misère. On n'y tient pas. Je n'ose pas bailler, je suis toujours en représentation de femme aimante. C'est fatigant. Caroline, ma petite, que vas-tu faire? Me résigner. Les ambitions trompées. Un jeune homme a quitté sa ville natale au fond de quelques départements. Pour être parfaitement compris, le jeune Adolphe de Chaudoreille voulait faire parler de lui, devenir célèbre, être quelque chose. Ceci donc s'adresse à la masse des ambitieux amenés à Paris par tous les véhicules possibles, soit moraux, soit physiques, et qui s'y élancent un beau matin avec l'intention de renverser toutes les renommées, de se bâtir un piédestal avec des ruines à faire jusqu'à ce que des illusions s'en suivent. Comme il s'agit de formuler ce fait normal qui caractérise notre époque, prenons de tous ces personnages celui que l'auteur a nommé ailleurs un grand homme de province. Adolphe a compris que le plus admirable commerce est celui qui consiste à payer chez un papetier une bouteille d'encre, un paquet de plumes et une rame de papier coquille 12 francs 50 centimes et de revendre les 2000 feuillets que fournit la rame en coupant chaque feuille en quatre, quelque chose comme 50 000 francs, après, toutefois, y avoir écrit sur chaque feuillet 50 lignes pleines de style et d'imagination. Le jeune homme a fait d'excellentes études, il écrit d'assez jolis vers, il passe pour un garçon d'esprit. Enfin, il est souvent coupable d'une charmante nouvelle insérée dans le journal de l'endroit, laquelle a soulevé l'admiration du département. Adolphe, après 5 à 6 années d'exercice plus ou moins fatigant, d'horribles privations très coûteuses à ses parents, arrive à une certaine position. Voici quelle est cette position. Grâce à une sorte d'assurance mutuelle des faibles entre eux et qu'un écrivain assez ingénieux a nommé la camaraderie, Adolphe voit son nom souvent cité parmi les noms célèbres. On comprend quelquefois Chaudoreille parmi les hommes d'espérance de la jeune littérature. Il finit par obtenir ses entrées au théâtre grâce à des critiques dramatiques et à mesure qu'il perd des illusions sur la gloire, sur le monde de Paris, il gagne des dettes et des années. En 11 ans, Chaudoreille passe pour avoir publié des travaux estimables, 5 à 6 nouvelles dans des revues, dans des journaux de femmes, dans des ouvrages destinés à la plus tendre enfance. Vous n'apercevez pas encore trace de petite misère pour Caroline. Écoutez ces 2 lettres échangées entre 2 amis différemment mariés, vous comprendrez que ce préambule était nécessaire, autant que le récit par lequel jadis commençait tout bon mélodrame est nommé l'avant-scène. De Madame Claire de la Roulandière, née Jugot, à Madame Adolphe de Chaudoreille, née Heurtaud. Tu ne m'as pas encore écrit, ma chère Caroline, et c'est bien mal à toi. N'était-ce pas à la plus heureuse de commencer et de consoler celle qui restait en province? Depuis ton départ pour Paris, j'ai donc épousé Monsieur de la Roulandière, le président du tribunal. Je n'ignorais pas mon sort. Je suis rarement seule. Je ne sors qu'accompagnée de ma belle-mère ou de mon mari. Nous recevons tous les gens graves de la ville le soir. Être ainsi, moi, qui de nous deux agitais le plus mes ailes, dont l'imagination était la plus vagabonde. J'ai péché plus que toi, je suis la plus punie. J'ai dit adieu à mes rêves. Je suis Madame la Présidente, gros comme le bras, et je me résigne à donner le bras à ce grand diable de monsieur de la Roulandière pendant 40 ans, avoir deux gros sourcils sur deux yeux verrons dans une figure jaune, laquelle ne saura jamais ce qu'est un sourire. Mais toi, ma chère Caroline, tu captures et tu captives un grand homme. Maintenant, tu te trouves dans le milieu le plus brillant de Paris. Tu jouis des jouissances exquises de la société des deux ou trois femmes célèbres de notre temps, où il se fait tant d'esprit, dit-on. Enfin, dans quelque temps, tu seras une des reines de Paris, si tu le veux. Ah, tu es heureuse, toi. Aussi, m'oublies-tu? Eh bien, je comprends que tu n'as pas un instant à toi. Ton bonheur est la cause de ton silence. Je te pardonne. Allons. Un jour, si fatiguée de tant de plaisirs, du haut de ta grandeur, tu penses encore à ta pauvre Claire, écris-moi. Raconte-moi ce qu'est un mariage avec un grand homme. Peins-moi ces grandes dames de Paris. Surtout celles qui écrivent. Oh, je voudrais bien savoir en quoi elles sont faites. Enfin, n'oublie rien. Si tu n'oublies pas que tu es aimée quand même par ta pauvre Claire Jugot. Réponse. Madame Adolphe de Chaudoreille à Madame la Présidente de la Roulandière. Ah, ma pauvre Claire. Si tu savais combien de petites douleurs ta lettre ingénue a réveillées, non, tu ne me l'aurais pas écrite. Je commence par te dire que pour une fille de 27 ans, je suis heureuse. Voici pourquoi. Adolphe, heureux des déceptions qui sont tombées sur moi comme une grêle, panse les plaies de mon amour-propre par tant d'affection, par tant de petits soins, tant de charmantes choses, qu'en vérité les femmes voudraient, en tant que femmes, trouver à l'homme qu'elles épousent des torts si profitables. Mais tous les gens de lettres, Adolphe est hélas à peine un homme de lettres, qui sont des êtres non moins irritables, nerveux, changeants et bizarres que les femmes, ne possèdent pas des qualités aussi solides que celles d'Adolphe. Et j'espère qu'ils n'ont pas été tous aussi malheureux que lui. Hélas, nous nous aimons assez toutes les deux pour que je te dise la vérité. J'ai sauvé mon mari, ma chère, d'une profonde misère habilement cachée. Loin de toucher 20 000 francs par an, il ne les a pas gagnés dans les 15 années qu'il a passées à Paris. Nous sommes logés à un troisième étage de la rue Joubert qui nous coûte 1 200 francs, et il nous reste sur nos revenus environ 8 500 francs, avec lesquels je tâche de nous faire vivre honorablement. Je ne m'abuse point. Adolphe est une médiocrité connue, jaugée. Il ne manquait pas d'esprit à Viviers, mais pour être un homme d'esprit à Paris, on doit posséder tous les genres d'esprit et des doses désespérantes. J'ai pris de l'estime pour Adolphe, car après quelques petits mensonges, il a fini par m'avouer sa position, et sans s'humilier outre mesure, il m'a promis le bonheur. Il espère arriver, comme tant de médiocrité, à une place quelconque, à un emploi de sous-bibliothécaire, à une gérance de journal. Qui sait si nous ne le ferons pas nommer député plus tard à Viviers. Enfin, si c'est là ce que tu veux savoir, je ne suis rien, mais si tu veux apprendre jusqu'où va ma philosophie, eh bien, je suis assez heureuse d'avoir rencontré dans mon faux grand homme un homme ordinaire. Adieu, cher ami. De nous deux, comme tu le vois, c'est encore moi qui, malgré mes déceptions et les petites misères de ma vie, suis la mieux partagée. Adolphe est jeune, et c'est un homme charmant. Caroline Heurtout. La réponse de Claire, entre autres phrases, contenait celle-ci. J'espère que le bonheur anonyme dont tu jouis se continuera grâce à ta philosophie. Claire, comme toutes les amies intimes, se vengeait de son président sur l'avenir d'Adolphe. Une nuance du même sujet. Cette note pleine de fatuité se trouvait sur un papier que les clercs de notaire jugèrent sans importance lors de l'inventaire de feu monsieur Ferdinand de Bourgarel, que la politique, les arts, les amours ont eu la douleur de pleurer récemment. Un lecteur intelligent reconnaîtra sans peine à quelle époque de la vie d'Adolphe et de Caroline se rapporte cette lettre. Ma chère amie, Je croyais me trouver heureuse en épousant un artiste aussi supérieur par ses talents que par ses moyens personnels. Adolphe est excellent pour moi, je l'aime et je l'admire. Mais ma chère, dans ce complet bonheur, il se trouve une épine. Les roses sur lesquelles je suis couchée ont plus d'un pli. Dans le cœur des femmes, les plis deviennent promptement des blessures. Ces blessures saignent bientôt, le mal augmente, on souffre. La souffrance éveille des pensées. Les pensées s'étalent et se changent en sentiments. Ah, ma chère, tu le sauras et c'est cruel à se dire, mais nous vivons autant par la vanité que par l'amour. La vanité, ma chère, est chez nous cousine germaine de la jalousie, de cette belle et noble jalousie qui consiste à ne pas laisser envahir son empire, à être seule dans une âme, à passer notre vie toute heureuse dans un cœur. Eh bien, ma vanité de femme souffre. Voilà le secret de cette tristesse où tu m'as surprise et que je ne voulais pas expliquer. Tu m'as trouvée seule, au coin de mon feu, sans Adolphe. Je venais de coucher mes enfants, ils dormaient. Adolphe, pour la 10e fois, était invité dans un monde où je ne vais pas, où l'on veut Adolphe sans sa femme. Il est des salons où il va sans moi, comme il est une foule de plaisirs auxquels on le convie sans moi. Ses habitudes sont prises, il ne s'aperçoit pas de cette humiliation qui oppresse le cœur. D'ailleurs, s'il soupçonnait cette petite souffrance que j'ai honte de ressentir, il laisserait là le monde, il deviendrait plus impertinent que ne le sont envers moi ceux et celles qui me séparent de lui. Mais il entraverait sa marche, il se ferait des ennemis, il se créerait des obstacles en m'imposant à des salons qui me feraient alors directement 1000 maux. Je préfère donc mes souffrances à ceux qui nous adviendraient dans le cas contraire. Vois-tu ce qu'il y a dans le pli dont je te parlais ? Un pli du cœur est un abîme comme un pli de terrain dans les Alpes. À distance, on ne s'en figurerait jamais la profondeur ni l'étendue. Tu ne connais pas cette petite misère, heureuse Mathilde. Tu es une femme bien née. Tu peux beaucoup pour moi. Songe-y, je puis t'écrire là ce que je n'osais te dire. Tes visites me font grand bien. Viens souvent voir ta pauvre Caroline. Les indiscrétions. Certains maris sont si ravis d'avoir une femme à eux, chance uniquement due à la légalité, qu'ils craignent une erreur chez le public et ils se hâtent de marquer leur épouse comme les propriétaires du Berry leur mouton. Devant tout le monde, ils prodiguent à la façon romaine à leurs femmes des surnoms pris au règne animal et ils les appellent « ma poule »,« ma chatte »,« mon rat »,« mon petit lapin ». Ou passant au règne végétal, il la nomme « mon chou »,« ma figue » en Provence seulement, « ma prune » en Alsace seulement, et jamais « ma fleur ». Ou, ce qui devient plus grave, « bobonne »,« ma mère », »,« ma fille », »,« la bourgeoise », »,« ma vieille », quand la femme est très jeune. Quelques-uns hasardent des surnoms d'une décence douteuse, tels que « mon bichon »,« ma niniche », »,« tronquette ». Nous avons entendu un de nos hommes politiques le plus remarquable par sa laideur appelant sa femme « Moumoute !»« J'aimerais mieux, » disait à sa voisine, cette infortunée, « qu'il me donnât un soufflet. » Un soir, n'a-t-il pas pris Moumoute par le cou en lui disant « Allons, viens ma grosse !» On prétend que la cause d'un très célèbre empoisonnement d'un mari par l'arsenic provenait des indiscrétions continuelles que subissait la femme dans le monde. Ce fut, dit-on, cette situation choquante qui, bien appréciée par des jurés pleins d'esprit, valut à l'accusé un verdict adouci par les circonstances atténuantes. Les jurés se dirent « Punir de mort ces délits conjugaux, c'est aller un peu loin. Mais une femme est très excusable quand elle est si molestée. » Nous regrettons infiniment, dans l'intérêt des mœurs élégantes, que ces raisons ne soient pas généralement connues. Aussi, Dieu veuille que notre feuilleton ait un immense succès. Les femmes y gagneront d'être traitées comme elles doivent l'être, en reines. En ceci, l'amour est bien supérieur au mariage. Il est fier des indiscrétions. Certaines femmes les quêtent, les préparent, et malheur à l'homme qui ne s'en permet pas quelques-unes. Combien de passions dans un tu égaré. J'ai entendu un mari qui nommait sa femme ma berline. Elle en était heureuse, elle n'y voyait rien de ridicule. Elle l'appelait son fiston. Aussi, ce délicieux couple ignorait-il qu'il existât des petites misères. Ce fut en observant cet heureux ménage que l'auteur trouva cet axiome. Pour être heureux en ménage, il faut être ou homme de génie marié à une femme tendre et spirituelle, ou se trouver, par l'effet d'un hasard qui n'est pas aussi commun qu'on pourrait le penser, tous les deux excessivement bêtes. L'histoire un peu trop célèbre de la cure par l'arsenic d'un amour-propre blessé prouve qu'à proprement parler, il n'y a pas de petite misère pour la femme dans la vie conjugale. Axiome. La femme vit par le sentiment, là où l'homme vit par l'action. Or, le sentiment peut à tout moment faire d'une petite misère soit un grand malheur, soit une vie brisée, soit une éternelle infortune. Les indiscrétions sont en harmonie avec les caractères, les temps et les lieux. Un exemple suffira. Jugez de la situation affreuse dans laquelle s'est trouvée une femme délicate qui babillait agréablement à sa campagne près de Paris, au milieu d'un cercle de 12 ou 15 personnes, lorsque le valet de chambre de son mari vint lui dire à l'oreille « Monsieur vient d'arriver, madame. » « Bien, Benoît. » Tout le monde avait entendu le roulement de la voiture. On savait que monsieur était à Paris depuis lundi, et ceci se passait le samedi à 4 heures. « Il a quelque chose de pressé à dire à madame. Mm-hmm. » Quoique ce dialogue se fît à mi-voix, il fut d'autant plus compris que la maîtresse de la maison passa de la couleur des roses du Bengale au cramoisi des coquelicots. Elle fit un signe de tête, continua la conversation et trouva moyen de quitter la compagnie sous prétexte d'aller voir si son mari avait réussi dans une entreprise importante. Mais elle paraissait évidemment contrariée du manque d'égard de son Adolphe envers le monde qu'elle avait chez elle. Pendant leur jeunesse, les femmes veulent être traitées en divinité. Elles adorent l'idéal. Elles ne supportent pas l'idée d'être ce que la nature veut qu'elles soient. Mais dans leur dernière jeunesse, les femmes veulent être traitées en mortelles. Elles ne supportent pas l'idée de ne plus être ce que la nature a voulu qu'elles fussent. Axiome. La pudeur est une vertu relative. Il y a celle de 20 ans, celle de 30 ans, celle de 45 ans. Aussi, l'auteur disait-il à une femme qui lui demandait quel âge elle avait, « Vous avez, madame, l'âge des indiscrétions. » Cette charmante jeune personne de 39 ans affichait beaucoup trop un Ferdinand, tandis que sa fille essayait de cacher son Ferdinand Ier. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Pauline Méreuse, Adeline Dermy, Sylvia Berger, Alexandre Pavlov, Félicien Jutner, Serge Bagdasarian. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.